du travail à Romainville. Et ce travail, c'est avec l'argent de la dîme de l'argent de Francisco. Elle va repartir pour les travaux de toute la Seine-Saint-Denis. Ouais. L'habitation, le coffrage, le bitume, tous les jardins. Et ça va passer par aussi la fondation, par le placo-plâtre, tout, les fenêtres, le carrelage, le papier peint, les peintures, la lumière, l'électricité, le gaz, tout. Ça vient d'où ? La Seine-Saint-Denis. Oui, et c'est toi qui travailles là-dedans, non ? Non, je ne travaille pas là-dedans, mais je veux que cette dîme soit répartie, ce sponsorisation de Federbe et le prémis, c'est l'enveloppe dorée, ça soit réparti pour les travaux de Seine-Saint-Denis. Oh. Mais le problème, c'est que le député en mettait plein les poches, il ne répartissait pas avant. Maintenant, c'est réparti, maintenant, ils font beaucoup de travaux. Ils ont décidé, les gens de la municipalité de faire beaucoup de travaux. Ouais. D'arranger la pierre des immeubles, d'arranger les peintures, d'arranger les toitures et tout. Ok, donc tu vas parler de ça et quoi d'autre chose aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il faut savoir que ça, c'est avec l'argent de nos impôts. C'est pour répartir les nouveaux travaux. De l'entreprise AEB. Ok, ok. Entreprise Chiriaz à Noisy-le-Sec. Entreprise GC Construction. Entreprise AG2R3F, AG2R Mondial. Groupama. Il y aura des travaux par Groupama aujourd'hui. C'est parce que ces travaux-là qui sont à Bondy, qui ont été faits à Bondy, c'est des nouveaux immeubles qui vont être faits. Avec du nouvel grille. Oui, oui, oui. Et c'est pour l'avenir des enfants de la France. Tu comprends ? Oui, oui, je comprends un peu, oui. Parce que le Pedro Pascuelo a tellement investi dans son pays que maintenant, il n'y a plus de travaux à faire. Il n'y a presque plus de travaux à faire. Dans le pays portugais, il n'y a presque plus de travaux. Et cet argent qui reste, les ouvriers en faisaient n'importe quoi avec la SNEC, de la voiture. Et ça leur appartiendra plus l'argent. Et c'est Francis qui a cet argent. Et cet argent, il le redépose à la dîme, à la dîme du 17 avenue Federbe. On prend cet argent du Grand Espagne et on le dépose au 17 avenue Federbe pour les travaux parce que c'est humide. Parce qu'il y a l'humidité de la maison, l'humidité des immeubles, tout. Et ils ont besoin d'un logement réconfortable pour leur confort. Réconfortable, oui. Parce que tu sais, dans la maison... La maison, elle a besoin de confort, tu comprends ? Et si c'est humide, c'est parce qu'il n'y avait pas de confort dans la maison avant. Et tu vas chanter quoi aujourd'hui ? Quoi tu vas chanter ? On va chanter des musiques de Marco Polo. Tu peux installer les micros sur le... Et pourquoi aujourd'hui on parle de l'habitat indigne ? C'est parce que là, les gens vivaient dans l'habitat clandestin. Oui. Et ça, c'était pas normal. Et ça, c'était pas normal. On parlait à France Info sur l'habitat indigne. C'est quoi, c'est le 2 ? Vas-y, parle. Mais mettez la musique là. Oui, ouais, c'est bon. J'essaie de voir déjà. Parce qu'il faut que je vois avec les gens de la radio que tout est bon. Tu veux voir la musique ? Marco Polo. C'est quoi ça, Marco Polo ? Parfois on a fait comme ça, Marco Polo. Marco Polo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça. Marco Polo naît le 15 septembre 1205. C'est ça. 54 à Venise, capitale de la République du même nom, située sur la mer Adriatique. Le garçonnet, dont la famille fait du commerce avec l'Orient, aime flâner sur les quais, respirer les odeurs d'épices, le poivre, le gingembre et la cannelle qui sent si fort, et écouter les marins parler toutes sortes de langues, tous les merveilles. Comme son père et son oncle, tous deux grands voyageurs, il partira lui aussi pour les terres lointaines. Tino Rossi. C'est ainsi qu'un beau matin, les trois polos se mettent en route. Tino Rossi. Umberto Tossi. C'est ça. Bon, Bastien et Umberto Tossi qui vont se mettre en duo là. Okay. Mais la musique. Ah, on a accompagnement avec la musique. Attends, y a des... I'm sorry, Roger, but this script just isn't funny. But Trevor, how many times? Oh, Voilà. Qu'est-ce qu'on va chanter maintenant? Merci, bravo. Bravo, Bastien. Ouais. Ouais, bonjour, Fanata. On a tous new look, là. On a tous coupé les cheveux. Fanata, et Isabelle, Loïc, moi, tout le monde, sauf Tessa, voilà. Mais c'est pas grave, ça viendra. On a tous les métanoïaques. Attends, mets un peu de son, là, voir si ça marche. Ça marche. Vas-y, on voit un peu. Tu vois un truc, là? C'est au max. Et pourquoi ça marche pas? Attends, hop. Non, je pense que c'est un problème de connexion. Attends, je vais mettre ça. Tu mets ça. Tu peux mettre ça. Attends. Oh, oh, oh. Attends, essaye là comme ça. Hey. Ouais. Tu me vois là? Attends, tu me vois, mais pourquoi ça marche pas? Non, non, là tu me vois rien, je crois. Si, normalement, attends, on enlève ça. Tu n'entends rien? Oh, oh, oh, oh. Non, non, il y a un truc qui ne marche pas. Je sais pas, il faut que tu... Là, on a le volume, et là, il y a un truc au niveau de là. Attends, je vais régler ça. Vas-y, Bastien, tu peux parler pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux présenter? Tu peux demander à tout le monde de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des travaux de la Seine-Saint-Denis. Ah oui? Parce qu'il y a un coût dans les travaux et il faut que de l'argent rentre dans la mairie de Bondy. Ah oui. Ok. Et quoi d'autre? Et encore, cet argent doit être réparti vers les ouvriers du travail. Et si aujourd'hui on parle de la hausse du chômage, c'est pas qu'il y a eu un problème avec la répartition de l'argent. C'est que l'argent partait vers André Otis et ça, et Monsieur Louis Dugarry, ça c'est un problème parce que cet argent, elle doit être réparti vers les salariés du travail. Attends, pourquoi ça marche pas? Ok, tu peux continuer, continue. Et cet argent, il faut qu'elle rentre pour les salariés, mais le problème c'est que l'argent rentrait pas dans le monde salarial ici. C'est ça le problème. Et les salariés ont besoin de se nourrir ici. Ont besoin de manger, ont besoin de travailler, de gagner leur beurre. Et le problème, c'est que les salaires ont été du SMIC. Et il faut résoudre cette question du SMIC. Et comment on peut résoudre la question du SMIC? La question du SMIC, bah, avec cet argent qui vient de Francis, parce qu'il faut arrêter avec la dette souveraine dont ça doit être reparti vers les travaux. Donc cet argent doit être réparti vers les travaux. Tu comprends? Oui. Sinon, c'est encore la dette souveraine si ce n'est pas réparti vers le travail. On parle d'une échéance aujourd'hui, c'est parce que cette échéance, c'est parce que ce n'était pas réparti vers les travaux. Cet argent était reparti vers la prostitution. Tu comprends? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont réparti. Les politiciens ont pris cet argent, ils allaient donner des salaires à Pigalle, mais pas répartir cet argent aux travaux. Ça, c'est compliqué. Cet argent était reparti vers les femmes du Stéphane Bern et les femmes des animateurs télé de France 2, d'Europe 1. Mais sinon, les gens ne touchaient de bas salaires ici. Et quoi d'autre? Et le problème, c'est que les gens, tu sais, cet argent, elle devait être reparti vers le monde du travail. Le monde du travail. La fondation ici. Et s'il y a eu des échanges, c'est parce qu'à un moment, cet argent n'était pas reparti devant le monde du travail. Et là, c'est un corps, tu connais les corps un peu? Et là, tu peux changer le 15 pas, tu peux faire des sons, des rythmes là. Il y avait des problèmes avec la répartition de l'argent. Cet argent, elle devait être répartie pour les travaux et c'était réparti pour le Emmanuel Macron, pour le système du retraite. C'était reparti pour le système de retraite. Et les gens, ils avaient déclaré échéance à Madame Elisabeth Borne pour le sistar du système de retraite. Il faut comprendre ce qu'ils ont parlé à France Info. Oui, oui, oui. Alors, et après? Et après, il faut savoir qu'Elisabeth Borne avait voté la motion de censure. Mais ça, c'est des bêtises comme tout. C'est en fait pour que les gens reçoivent de rien. N'obtiennent de rien lors de la visite chez Elisabeth Borne, ils obtiendront de peu. C'était pas réparti vers le travail, c'était réparti pas par le texte sur le monde du travail, mais il y avait des problèmes sur l'histoire du monde du travail parce que qui soigne les blessures du travail? Les médecins. Mais pour ça, il faut des salaires pour les médecins, pour les travailleurs, il faut des salaires, pour les chantiers, il faut des salaires, pour le monde des bouchers, il faut des salaires, pour les floristes. C'est le salaire pour le policier, c'est le salaire pour l'ambulancier, il y a le salaire aussi. Mais le problème, c'est que quand je tombe par terre, qui me ramasse? C'est le bon ambulancier, mais il faut qu'il y ait de l'argent pour l'ambulancier. Donc, le jour où je me blesse, je tombe par terre. C'est le bassin qui va chez le pompier, mais qui va ramasser l'enfant et lui faire les soins? C'est ça? Et qui ramasse l'ambulancier? C'est qui ramasse moi? C'est l'ambulancier qui doit ramasser. Ouais. Si je tombe à un moment dans le travail, j'ai un coma artificiel, qui ramasse ce gamin sur le sol? C'est au rôle de l'ambulancier. C'est au rôle du GC Sécurité de me ramasser. Et qu'est-ce que va faire le GC Sécurité pour moi? Parce qu'à la base, c'est la sécurité de Monoprix qui décide. Si on ramasse ce bassin, on ne le ramasse pas, c'est Monoprix qui décide. C'est Monoprix qui décide de l'avenir qu'il va avoir plus tard dans la vie. C'est pas moi tout seul qui décide. On va mettre de la musique là. Tu écoutais quoi comme musique? 113. 113, ok. Et après, je vais aller chercher les gens en bas et on va se lancer. Lequel 113? Le prince de la ville? Le prince de la ville. Attends, j'ai un peu de ça et après on y va. Après, Katawiki. Alors, vous voyez. Pardon. Putain, il y a les trucs. C'est une chanson à Bastien. Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le béton, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Tu me débrouillards, une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la LPE. Mais y'a une queue de kilomètres pour gagner 30 de pêche. Je peux me permettre qu'ils aillent se remettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Plus fort. Quoi s'alarmer? Les bras de la marmée, tout ça y'en a armé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma vie, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire, il te passe. Ces promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les beaux monuments à 100 pas, on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils s'en foutent. Comme tout citoyen censé aller voter, histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, quand je vois des frères me noter. Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, tu veux, quand tu veux. C'est quand tu veux. On vit en HLM les uns sur les autres. Les super. Là, il parle du bonjour du micro au bistrot, là. Là, il cette page, il parle du bonjour. Il dit le rocker s'est lancé en fil de la production du vin rosé en Atlantique, désormais à conquérir le continent européen. 15 albums de studio, 130 millions de disques vendus, 34 millions de personnes, près de 2700 mi-concerts dans plus de 50 pays, vendus en France depuis 1984 à la version 2010. Bonjour, vie. Tu peux continuer à lire à haute voix, hein. Bastien, je vais chercher les gens en bas. Elisabeth et encore. La reine apparue de raison fait citer ses bandes de 70 reines. L'Angleterre arrivée sur ce droit, Windsor, Rochaux, que du prince Édouard a pu descendre. Votre précieuse soirée de la ennemie reine de Tom Cruise de la reine au début du conseil des médecins, remplacé par le premier Newton. Paris Hilton fait ses tonnes. Le juste manière de l'héritière Hilton à la Maison Blanche à un caméraman suivre au long de ses mémoires la musique qui est disponible de son réseau social. Avec son mari Carter Rome devant la Maison Blanche. La 5 en jeu de la bataille de l'Université 19 juin, éliront 500. Il a réécouté son. Des gens qui vont passer. par les oppositions sera déterminant pour l'Assemblée de la force politique. Quelle est la majorité d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, a réussi à constituer une solide majorité de 365 élus, dont 308 le REM présent caution de favoris dans l'histoire de la 5e République, législative organisée par le NAM, négociation trouvée par le nommé. La bannière de l'ensemble. Tu as ça déjà, c'est bien ça. Et sinon, tu as... J'arrive. Et mandat de candidats investissent pour le. Les candidats ont fait plus que 80% du député ont reconstruit. Ce dernier a lancé la campagne du 10 mai vers la session de la formation organisée à Aubervilliers. Après avoir le chiffon pendant le présidentiel de l'État a agité un chiffon rouge, multipliant les attaques contre Jean-Luc Mélenchon, désigné par l'adversaire numéro 1. Mais je vois par le comment le peuple circonscrit de la NUP pour l'emporter de Richard Ferrand, patron de l'Assemblée Confiance. Abstention du second tour législatif 2007. Le Hénin Beaumont-Pas-de-Calais, elle a obtenu 45 Beaumont. Premier tour de la présidentielle Marine Le Pen. Caresse même l'espoir d'emporter le premier tour dont Jean-Philippe Tanguy, directeur adjoint de campagne du désormais de la Somme Pas-de-Calais. Éric Zemmour, candidat à Saint-Tropez, révèle raisonnable du Macron Marine Le Pen comme objectif de l'Assemblée nationale du Rennes. Jean-Caroline Le Pen, France Roulet, Alexandre, Jean-Ludovic, Pleine-Flerque, Franck Alisson, Caroline, dans les bandes, Pas-de-Calais, sans borne, pour les régions de Plaine. L'espoir est construit vers le moins pour la formation politique de l'ELV et du PS en train d'écrire une histoire politique de ce lance assuré sorti de la tête et par le départ des projections de Dunbar au candidat présent au second tour, plus de 300 circonscriptions enthousiastes attendu député de la Seine-Saint-Denis Alexis Corbière qui souhaite une participation à un déterminant 2007. Mélenchon est passé du premier tour législatif des députés dans le retraite 600 augmentations programme de la NUP Bérézina PS Saint-Barthélemy des députés sortants et du sort la quinzaine de candidats bénéficiant traitement affronté de représentants de la majorité. C'est le cas de la Damien Abad de la 5e circonscription. C'est subtilement rapproché pour pouvoir en place pour l'ancrage des territoriales en partie de sortant en élu la circonscription. Olivier Faure félicité l'accord de trouver le Mélenchon. Rappelons que Anne Hidalgo dépasse 3 points. Excuse-moi. On passe à autre chose. Ouais. Je viens de lire un article. T'as lu un article ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Vous allez trouver la réponse tout seul. Le palais de Buckingham. Le palais de Buckingham ? Vous connaissez ? Ah oui, le palais de Buckingham. C'est là où la reine. Et où il y avait la reine Elisabeth à habiter. Ha ha ha ha ha ha. Allô? Ça va? Ça va bien, mon ami? Allô, allô, allô, allô, allô, allô. Marche à fond, ah ouais, on va mettre le feu. Hein. On va mettre le feu. Assiste à mon compatriote. Ok, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est à une demi-heure de live de la radio Métanoïaque de mercredi 5. 5, on est le 5. Quelle date on est aujourd'hui? 5 avril déjà 2023. On a ici votre prénom, madame, c'est Caroline. Caroline qui va nous parler aujourd'hui de quoi, Caroline? Caroline qui va vous donner des renseignements. Elle va nous donner donc, des... sur ordinateur, vous allez faire ceci. Ok, dans notez. Dans ces deux points, 07, 42, 48, 36, un trait oblique. Après, 03, 2, 2, 5, 4, 8, 7, 5. Un trait oblique, C-N-E-V-R-T-P, en majuscule. Trait oblique, 03, 2, 2, 9, 4, 8, 7, 5. Un trait oblique, 5, 2, 2, 7. Un trait oblique, plus, un trait oblique, encore plus. Après, vous validez et vous avez password. Et vous mettez Chemical, Gutenberg, Assomption, Digineurant. Et si on fait ça, qu'est-ce que ça va nous arriver? Des sous. Des sous. Maintenant, la deuxième. Le deuxième, salut, c'est voilà. Le 0, c'est deux points. 0, 3, 2, 7, 0, 3, 2, 2, 5, trait oblique, 0, 67, 29, 65, 32, 28, trait oblique, STP, trait oblique, Oyanoudou, O-Y-A-N-O-U-D-O-U, trait oblique, plus, trait oblique, encore plus. Après, vous validez. Vous avez password. Et le code, c'est généralité, agonisera, Joachim, Trazer, public, trésor, public, oligasso. Et pour les chevaux mécaniques, vous téléphonez au 07 28 32 45 75. Et les numéros, c'est ces numéros-là, c'est ça. C'est le 06 28 39 45 21. Le deuxième, c'est le 27 09 48 35 39. Ensuite, c'est le 48 09 75 66 22. Ensuite, c'est le 09 32 27 48 75. Voilà, j'ai terminé. Wow, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci, merci madame. Merci beaucoup, Caroline. Elle Caroline. A... Oui, Caroline, elle nous a... elle, chaque séance, elle nous amène les numéros au quoi on doit jouer. À quoi on doit jouer, Caroline, spécialement? Au loto. Attendez, Caroline, prenez le micro, comme ça vous nous dites s'il faut jouer au loto ou autre jeu. C'est quoi le jeu? Plutôt chevaux mécaniques. Chevaux mécaniques? Oui, les chevaux mécaniques. Et ça, on les trouve où? Ils le font plusieurs fois. Ah oui. C'est où ça? C'est à Longchamp. Ah. Et on peut jouer aujourd'hui? Sinon, après, c'est trop tard. Tous les jours. Tous les même jours. Même la nuit. Même la nuit? Ah, d'accord. Donc, tous les numéros que vous nous avez donnés, il faut les jouer. Ceux-là, il faut les lire. Et puis, on gagne une somme. Et on gagne beaucoup? Ah oui. Ah oui. Essayez, vous verrez. Bah on va essayer, on a noté le maximum là. Et on a jusqu'à quand pour jouer? Étant donné que c'est. J'espère que c'est pas passé déjà sur toutes les radios. Oui. Ou toutes les chaînes de télévision. Oui. Donc j'espère que c'est pas passé. Bon, si c'est pas parce passé, que si y en a plein qui ont fait la demande. Mais oui, c'est non, mais maintenant, tous les amis aujourd'hui essayent de se programmer pour venir à écouter vos émissions. Là. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je ne sais pas si c'est Jason qui nous a appelé, peut-être pas. Mais voilà, on commence, on est dans 20 minutes, dans 30 minutes, on est en direct. Et de quoi on va parler? Bastien, est-ce que tu as fait le programme aujourd'hui? Ah là, il parle de précieux argan, soin anti-âge, aussi esthétique, efficacité, Lucie Lucas, innovation formule nature, micro-perle, oméga 9 plus 6, répliant, efficacité retrouvée, nourrie 95%, peau ferme 90%, la peau dense 90%, crème nutritive d'argan, précieux argan. Vote pour le bergamote, composition du lait green du flacon, rechargeable dans l'annonce cultivissime à travers les ingrédients de Star. Ok, et ça, tu vas. Est-ce qu'on n'a pas fait un programme aujourd'hui? On peut peut-être faire le programme, mais on ne l'a pas noté. Hein. Et il faut tenter. Attends, Bastien, tu peux demander à chacun de quoi il va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez parler? Non, ouais, je vais parler. Et toi? Je sais pas, moi. Et toi? Bon, on va parler de l'actualité. Attends, mais il ne faut pas laisser le micro comme ça, sinon ça va tomber. Ouais, voilà. Prends le micro. Voilà, allez-y. Parlez d'actualité. Là, on sait. On parle de retraite. On parle de retraite. 9-3. Ouais. Ouais. Ouais. Macron démission. Macron démission. Brigitte Macron pareil. Ouais. Demain on fait tous la grève. On fait tous la grève. Ça, c'est pas fini encore. Hein. Ouais, pas fini. C'est loin d'être fini. Allez-y, allez-y. Vous en pensez quoi de payer des impôts? Qu'est-ce qu'on pense de payer des impôts? C'est bien de payer des impôts, non? Bah... Ça dépend pour les impôts. Oui, ça parce dépend. Parce que tu as commencé à avoir l'âge de 60 ans, tu ne payes plus d'impôts. C'est vrai, possiblement. Moi, je ne suis pas au courant. Mais dans la vie de tous les jours, payer des impôts, c'est bien, non? On est bien d'accord que c'est bien. Ça refait l'économie de la France, en fait. Oui, ça, enfin, c'est une partie qui vient au collectif, quoi, normalement. Ça paye des frais. Mais ouais. Ils font un peu n'importe quoi avec notre argent, quand même, non? Ouais. Ouais, là, pareil. Ouais, c'est ça. Ils en mettent dans leur poche, ils construisent des choses, ils ne disent pas. Là, ils ont augmenté le budget de l'armée, je ne sais pas combien d'argent. Oui. Voilà, attends, prends, Alain. Vas-y. Milliards pour l'armée, alors qu'ils nous saoulent pour 12 milliards de retraites, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Oui, ils s'en foutent de la gueule. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout que je trouve, ce qui est malheureux, c'est qu'on envoie des personnes militaires armées avec des armes. Et à la fin, ils vont au Rwanda et ils violent des femmes. Est-ce que vous trouvez ça bien? Bah non, personne ne trouve ça bien. Bon, du coup, il ne faut pas payer d'impôts, du coup. Vous êtes bien d'accord? Non, mais c'est pas la parce même chose. Parce que c'est comme si c'était ça. Le crime paye à la fin. Si vous payez ces choses-là à la fin. Je suis d'accord, mais si tu ne payes pas tes impôts, tu termines en prison aussi. C'est clair, mais j'ai jamais dit que je ne paierais pas des impôts. Mais payer des impôts j'espère. Pour qu'à la fin, ça viole des femmes au Rwanda, des fois, ça ne donne pas envie. Il y a un auteur américain, un des fondateurs de l'anarchisme américain, il s'appelle Thoreau. Et il disait que dans une société corrompue, la seule place honorable, c'était la prison. Lui, il a fait une nuit de prison parce qu'il n'avait pas payé ses impôts, parce qu'il ne voulait pas financer la guerre du Mexique. Comme tu dis. Et après, il y a un de ses voisins riches qui est venu payer ses impôts à sa place. Mais bon, ouais. Voilà. Henri David Thoreau. C'est ça. Ouais, poète américain, philosophe, naturaliste. Ouais, c'est là. Lui, il a... Comment il s'appelle? Il a créé la désobéissance civile. Ah, la désobéissance civile. Micro. Là, il y a un autre micro, là. Tu vas prendre le micro. Allez, vas-y. C'est la désobéissance civile. On a plein de micros, là. Chacun peut avoir un micro. Si tu veux un micro, tu prends un autre. Ouais. Vous avez pas de micro. Si, il y en a là, regarde. On a tous des micros là. Merci. Voilà, c'est un micro pour tous. Micro allô, pour tous. Ouais. Ouais. Micro pour tous. Ouais. Ouais. Du coup, on continue l'actualité du coup. Ouais, continue l'actualité là. C'est qui relance l'actualité entre la guerre en Ukraine et avec la Russie? Bah allez-y, on y va, on est en plein temps là. Qui est pour l'Ukraine, qui est pour la Russie? Juste ça. Ah, pour la Russie, elle va gagner. Pour l'Ukraine. Je suis pour l'Ukraine. 2-0. Arrête Dieu. Moi, je suis pour la Russie, mais je suis pas pour la guerre ou quelque chose comme ça. Mais je suis pour la Russie pour leur pensée qu'ils ont envers tout ce qui se passe. Ok. Oui, mais Poutine, c'est un dictateur. Hey, Vincent, bienvenue. Bienvenue, Vincent Black. Vincent Black qui vient d'arriver il y a quelques mois de l'Inde, de Pondichéry. Et Vincent qui va nous chanter du... Salut Vincent, prends un micro pour dire bonjour. Salut Vincent, il parle français à Pondichéry? Ouais, il y en a qui parlent français. Ouais. Il y en a qui parlent français, mais il y en a beaucoup non en fait. Hein. Ah oui. D'accord. Tu vas nous amener en Inde un jour, la radio là? Hein? Tu vas nous emmener en Inde? Je sais pas en fait. New Delhi? Prends un micro là-bas, tiens, un autre deux. Ouais, voilà. Allez, vas-y le micro là. Ouais, voilà. Voilà, je reviens d'un voyage d'Inde de 5 mois et demi. Oui. Et puis voilà, quoi, j'ai pas fait de rap encore là-bas. Ouais, qu'est-ce que tu as fait là-bas alors ? T'as bronzé en fait. Ouais. j'ai pris des contacts en fait, et il y a des petits jeunes du lycée français de là-bas. Ouais. Ils m'ont dit en fait que tout est enregistré en fait dans l'album. Ah oui ? Ouais, c'est une personne qui m'a dit ça, mais je sais pas s'il l'a fait ou pas en fait, quoi. Ok, ok. Mais comme c'est des. Il y en a, ils font leurs études au lycée de Pont-de-Chéry. Oui. Et c'est un lycée payant, donc en fait, c'est des bourgeois quelque part. Oui. Et la nouvelle génération, les jeunes et tout, en fait, il y en a plein qui sont forts en informatique, quoi. Ils sont là, ils sont forts, quoi. Ah oui. Donc ça veut dire qu'ils savent faire un montage vidéo. Et les sons, ils sont déjà sur YouTube. Et toi, tu sais faire ça ? Oui, tu as fait plein de choses. Non, moi, je ne sais pas le mettre sur YouTube. C'est mon neveu, en fait, qui l'a mis sur YouTube. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous donner un nom, mettre un morceau à toi qui est sur YouTube ? Oui. Attends, tu vas me dire ça. Attends, je vais enlever mon pull là parce qu'il fait un peu chaud. Merci. Alors, le musicien, tu peux faire un peu de xylophone là pour entraîner toi. Et Fofanata, tu peux jouer un petit peu avec le micro qui est à côté de toi. Allez, ah, vas-y. Okay, ouais, ouais, ouais. Ouais, on y est. Okay. Allez, on y va. Prêt ? Vas-y, on est prêt. Partez. Les gars des têtes détestent ce gouvernement et ces méfaits cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières, ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples assoussent l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains pendant que d'autres s'en battent les reins. Ça change rien à notre train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon, réussir à quitter le terre-terre pour Rivoli. Arriver là, je kifferai ma vie, ce sera l'extase, la beauté aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose, mais faut quitter le 9-3, car ici, c'est pas Watts, mais ça craint. Les petits embrouillent avec cran, les grands deals, ils partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran aux îles Caïmans. Ceux-là partent longtemps. Et l'élite paie la juge pour que la justice soit clémente à son égard. Et personne comme ça. Deux en tôle comme ça, à perdre son temps à marcher dans un couloir à Yep, pendant que les riches roulent en 4x4, en 2x4-6, on dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur, comme les politiciens pourraient être élus. D'ailleurs, plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent, on parle peu l'essentiel et beaucoup passe à côté de la vie. Sans autre alternative, c'est fait exprès et tombe dans l'engrenage du filet, comme ces gosses qui marchent sur une bombe. Les rats rassemblent, les soldats se déploient. Les choses sont trop complexes pour qu'on piche, qu'on s'alarme. J'agis le drapeau blanc, mais le combat continue sans répit. Et les flics tirent sur des cibles humaines. On nous malmène et beaucoup ratent. C'est le désespoir qu'entraîne l'échec de ces hommes. Mais l'Afrique a décidé de garder espoir et c'est fort. Mais rien qui avance pour l'instant. Alors je me lève et je prie. Et je me demande pourquoi Adam et Ève ont mangé ce putain de fruit. Très bien. Merci. On récupère. En fait, là, très bien. C'est cool. Hein. Prends le micro, un autre micro. Attends, il y en a un autre. C'est un micro. Ouais, là, ça va. Vous avez un autre micro là aussi. Hein. En fait. Mais prends parce que sinon on n'entend rien. Prends le micro là. Ouais, voilà. Vas-y. Ouais. En fait, là, je fais pendant toutes les années, j'essaie de faire une quête vers la sagesse, quoi. Et en fait, je suis pas sage du tout, mais je me suis rendu compte que je rajeunissais, en fait, avec le temps. Tu rajeunis avec le temps ? C'était à 6 ans. Moi, je suis d'accord. Hein. C'était à 6 ans, regardez, j'ai rajeuni. Hein. Et c'est quoi ton secret pour rajeunir ? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que. Ouais. Oui. C'est qu'on a que 6, on contrôle que 6% de notre cerveau, en fait, de l'esprit, ouais. Le pouvoir, quoi. Et là, tu as pris un peu des positions de plus de... Tu en as à combien, là ? Ouais, on contrôle que 6% de notre cerveau, en fait. Dans l'esprit, on contrôle que 6%. Et tu penses que là, tu as pris un peu plus ? Ouais, je pense que j'ai pris un peu plus. Mais regarde, Martin, regarde la carte. C'était ouais, à 6 ans. Ouais. C'était à 6 ans. Donc, tu penses que tu as des plus en plus jeunes ? Là, j'ai rajeuni, ouais. Ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Ah ouais. Tous rajeunis là. Parle au micro là. Vas-y. Après, ce qu'il y a, c'est que les psys, ils sont en contact de la population. Donc eux, ils sont pas comme nous. En fait, nous, on voit pas les gens en fait, quoi. Mmh. Et eux, les gens qui sont en contact avec la population, ils voient des gens. Ouais. Et comme ils les connaissent, ils savent que un tel a rajeuni ou a vieilli. Vous voyez ou pas ? Et en fait, quand je marche dans la rue, il y a des gens qui savent pas que c'est moi en fait, parce qu'ils disent non, parce qu'eux, ils ont la mémoire des visages, c'est pas comme moi en fait. Mmh. Donc ils disent, bah non, c'est pas lui, il a rajeuni, personne rajeunit en fait, quoi. Bah oui, mais c'est moi, je te crois, hein. Je pense qu'on n'est pas en contrôle de toutes nos capacités intellectuelles. Il y a l'histoire d'un sage chinois qui s'appelle Lao Tse, Lao Tzu, ouais. Qui il paraît qu'il est né très vieux, ouais. Et il est mort en étant adolescent. Voilà, et toute sa vie de sagesse, il a rajeuni, rajeuni, rajeuni, parce que la philosophie le rendait plus jeune. La pensée, tu vois. Enfin, la philosophie qui te rajeunit, moi je crois à ça. Hein. Mais le problème, qu'on est tellement contrôlé par des pouvoirs factiques, économiques, bordel, la guerre, tout ça. Que... Ouais. Mais j'aime bien tes textes. Tu peux nous faire un autre là ? C'est magnifique. Vas-y, vas-y. On t'écoute là. Vincent Black est de retour. Hein. Tu nous manquais à la radio. Ouais. Et bon, à la nôtre. Vas-y, vas-y. Après tous ces échecs, change de direction. La réussite comme une unique résolution. Je suis tombé, c'est Bayer, vision chaotique au centre. Mais mes yeux en face des trous. Je trace mon parcours, mon évolution. Toujours en face avec moi-même. Je déchire les portes jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Je trouve mon chemin même dans la pénombre. Je perds plus. J'en veux toujours plus. Les jeunes en perdition manquent de repères, appuient sous tête. La mort en les voit. Ils trouvent plus leur voie ici. Ils tombent si bas que les larmes de leur sauce s'en sont à l'encre de croche-croche. Quand le cash rentre, au pays tout baigne, car dans les tièces ça, ça règne. Mais un jour tout prend fin, comme par enchantement. Fallait pas t'étonner quand la bac a frappé à ta porte. À cause du pouca, vous ne t'as pas laissé ton bigot éteint. Ce genre de détails ont leur importance, beaucoup plus que tu pensais. Quand t'es enfermé, dehors la vie suit son cours, comme un court-métrage. Mais personne n'est inaccessible, un autre a pris ta place sur terrain. Comme dans un film, je me pose des questions, t'inquiète, quand je pose, je me trompe pas de cible. Assis sur le banc de touche, je contemple ma jeunesse passer dans ces hôpitaux ripoux, à faire le fou. Je suis passé à côté de toute tristesse après coup par peur. Maintenant, je traverse la street comme un stick de télan. Big up à tous mes cousins là-haut. Aujourd'hui, c'est fini, donc faut que je fasse ma seconde jeunesse comme un adolescent qui découvre des sauts. Ambiance morose. Voilà. Très très bien. Là, il y a juste un problème de connexion comme d'habitude. Oui. Ah, merde. Ouais, là, on est tous à la radio. Après, vous pouvez rester, docteur, hein, si vous voulez. Non, je d'accord. La prochaine, d'accord. Quand vous voulez, on est là. Tous les mercredis. Voilà, attends. Oui, là, on s'est reconnecté. Mais il va falloir qu'on soit alerte parce que notre connexion de l'hôpital, elle est... il y a les gens qui sont la peur du piratage, finalement. Voilà, mais l'autre jour, on était à la Générale et les gens de Pinot qui sont à la radio, il y avait la rencontre internationale des hackers. Ils vont faire ça le 1er 2 juillet à la Villette. Des hackers, oui, oui. Oui, mais pas seulement de pirates. Ils sont aussi, ils sauvent des gens, ils font des choses sympas, ils neutralisent les gens bizarres. Enfin, micro, on va parler au micro. Ouais, ouais. Donc voilà. Ah, ils neutralisent les gens bizarres. Hein. Bah ouais, c'est ce que tu m'as expliqué. Ah, ils ont toutes les informations sur tout le monde, quoi, en fait, c'est ça ? Ils arrivent à pirater les données. Ah ouais. Ouais, ouais, donc fait il y a des trucs là. En fait, attends, micro, quel numéro c'est ton micro ? Non, non, mais là, c'est là, il y en a. C'est quoi ton numéro ? Parce qu'il y a un numéro, c'est le 5, vas-y. Vas-y. Non, en fait, c'est parce qu'il y a différents hackers. Il y a les hackers blancs, les hackers noirs, ceux qui sauvent et ceux qui font du vol. Il y a aussi les gris. Hein, les gris ? Ouais, c'est vrai, ceux qui font les deux, c'est vrai. Mais ceux-là, généralement, ils travaillent avec la police. Donc, du coup, la police, ils leur laissent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est quand, monsieur, vous avez dit, c'est quelle date ? Et c'est 1er et 2 juillet à la Villette, par de la Villette. Là, dans les grands centres de la Villette. Ah ouais. Ouais, donc on va y aller. En tout cas, là-bas, il ne faut pas rentrer avec une carte bleue, moi, je vous tiens. Parce qu'ils vont pirater votre carte bleue, même si elle est dans votre poche. Vas-y, vas-y, Loïc, vas-y. Oui, voilà, c'est moi. Et du coup, oui, le hack, c'est mauvais. Faut pas hacker. C'est pas bien. Attends. Micro. Prends un micro là-bas, sinon. Micro, take the mic. Ouais. Martin, en fait, j'avais rencontré... Il y avait mon voisin en face, il m'a demandé si j'étais un hacker. Parce qu'en fait, j'avais accès à des informations. J'ai fait des recherches sur Internet. Oui. Et j'avais accès à des informations. Je sais, il y avait 97 vues, 120 vues. Ouais. Mais moi, j'ai pas piraté, en fait, quoi. Mais c'est quand on connaît beaucoup de gens, en fait, que c'est comme ça. Quand on connaît beaucoup de gens, ça passe quoi, tu penses ? Je pense que dans les structures, ils n'ont pas l'habitude de donner des informations. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas le temps de. Dès qu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent, ils disent bon, allez, on lui envoie les informations, en fait, quoi. Ouais. Je pense, hein. Je pense. Ouais, ouais, non, mais ouais, ça on voit. Ils volent les informations. Ils volent les informations, après, ils les revendent. Ils les revendent à Conforama, Darty, un peu tout. Et à la fin, ben, ça fait un peu. Comment dire, ça fait du marketing, je veux dire sensoriel, mais même, je dirais même plus que ça, en fait. Marketing sensoriel, c'est une économie à part entière. Le fait du sens, quand en fait, ils forcent à acheter. vu qu'il y a différentes pubs, vu qu'il y a différentes pubs qui viennent devant vous, les choses comme ça. Ouais. Parce qu'ils vendent vos données, ils vu qu'ils savent ce que vous aimez, ils vous mettront que ça, des habits, une voiture, une trottinette électrique. Quand vous avez un pensée, bah, directement vous allez voir la pub. Des hackers de la pensée. Yes. Bah, on va dire c'est un peu ça, mais en même temps votre téléphone vous connaît par cœur, comme l'iPhone, il apprend à vous connaître. Et après les données ont été vendues sur internet, ouais. Des choses comme ça. Oui, on a entendu parler beaucoup de choses comme ça. Hein. Allez-y, un peu de musique. Mets le micro, comme ça on entend bien le son. Voilà, c'est le micro 3 là ? C'est quoi comme micro ? 4. 4, ok. Vas-y, joue. Et Fofanata aussi peut jouer. Quel micro? Oui. C'est bien. C'est bien, tu peux jouer plus fort. Attends, joue pas plus fort comme ça dans le temps. Toi aussi, tu peux jouer pour tous les deux. Hein. Tu peux lire un texte là au micro pendant que le musicien. Bravo, hein, super. Bravo. Attention. Tu peux. Non, mais laisse attention, le micro. Attention. Laisse le micro Fofanata. Laisse le micro Fofanata. Et on va mettre un autre micro pour toi. Et comme ça, on peut faire voix Bastien. Deux, vous faites le percu. Voilà, Bastien, mais on va te donner un livre plus drôle. Attends. Ça, ce que tu mets l'autre fois. Non, voilà, Bastien à la voix. Et attends, ton prénom, j'ai oublié. Ton prénom, c'est Khalid. Khalid et Fatoumata. Oui, je le sais. Mais ton nom de femme de Fofana, Fatoumata. Voilà. Et vous êtes, monsieur Oussem Zahri. Voilà, on y va. C'est à vous. On lui dit d'où vient le mot Bible. Dans le Genèse 24, le serviteur d'Abraham venu de loin, de la recherche d'une épouse dont le fils du maître de la demande de Rebecca, future mère d'Israël, d'un peu de l'eau de la cruche. Mais Rebecca abreuvera aussi les chameaux de la caravane, jusqu'il est tout, et abreuvera les chameaux qui savent à demander à boire selon le rabbin, qui commente au propos de la venue de Rebecca, le profondeur miracle de parabole. Et qui dit la première décennie, qui dit au siècle, au cours de l'appellation générique désignant un groupement de livres saints, premier d'entre nous pour mon loi, livre de. Au courant hébreu dit alors à Asséfer, qui dit au livre officiellement traduit en grec Alexandrie de 25, 2500 avant Jésus-Christ. Alors, et de la Biblio de, à partir du 20e siècle, a apparu à le terme. Du Biblia anglais, de Bible italien, Biblia allemand, Bibel, Le traducteur grec et d'anciens rouleaux écrits en hébreu utilisèrent pour nommer ces rouleaux l'expression du Biblia, langue grecque, où cette expression du masculin pluriel signifie les livres. En effet, si la Bible, présentée comme un livre unique, est véritablement. Une Bible présentée comme un livre unique, véritablement une bibliothèque. Le traducteur de la Bible en latin, de la Vulgate, Saint Jérôme, bibliothèque et de nombreuses expressions grecques antiques comprennent le biblio ou biblion, livre sacré, auteur du Nouveau Testament parle plutôt du graphai, l'écriture. L'ordi n'avait jamais vu. Suivant le mot botanique, libère et partie profonde. La couche du libertiole se fait pour écriture. Cette référence à l'arbre vient d'enseigner un livre. Comme l'arbre grandit, dont le fruit possède des racines et des feuilles qu'il tournait délicatement, qui donnèrent l'ombre, accueillant généreusement le soleil. Le mot book en anglais et bush allemand viennent du mot être, bokis, et un terme proto-germanique qui fait référence au tableau et d'autres êtres sur lesquels étaient inscrits les anciens écritures. Le mot devenu book en anglais et bush en allemand. Chaque regard et balbutie constitue-t-il la réalité en articulation incomplète. Qu'il n'y a pas de poésie, de chant, de musique, d'art et puisse échapper à la dislocation essentielle. Il n'existe pas le mot complet, le fleur complet. Laissons aller aux proposées autres étymologies. Le livre viendrait de livre, mot en italien veut aussi dire la libre liberté qui couvre au siècle deviendra exégèse. À force de... Et l'exportation de papyrus en égyptien vers toute la Méditerranée, le vide de Byblos est probablement l'origine du mot Bible, car les Grecs appelaient le papy Bubos et raison la provenance du mot livre qui est délivré aux traducteurs de grec, milieu hébraïque, n'auront recours du traduire en hébreu, c'est faire employer exemple par l'expression livre alliance bibliothèque. Premier mot du Nouveau Testament. C'est bon, j'ai dit. Tu as fini? J'ai fini. C'est cool, merci beaucoup. Vois ce que tu dis là. Et là, on entend la musique là-dessus. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y là. Un peu de musique. Ouais, un peu de musique. Prends un micro là. Un peu de musique. Un peu de musique là. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Mon. Vas-y, Vincent, t'entends. Attendez. Mon son varie, c'est pas de la 16. Mon 16 mesure à l'arrache. Mon casque que je mets à droite, pro-technicien fonctionnaire. Prêt pour stopper le lancer de ses ports en pleine ascension. Percute malgré la mondialisation. Mon organisme sous tension. Prétention progressiste. Les grossistes prennent des ronds pendant qu'ils détournent tout. Ils tournent en rond à faire du bien pour du mal. Mon son fait l'illustration des frustrations qu'ils génèrent dans leurs actions. Stupide, comme prêter des dollars à des junkies de la thèse. Non solvable. Fait cracher le cash là où y'a rien. Américain soldat qui fait quoi? Jusqu'en Moldavie. Ils perdent leurs membres à faire la guerre en guerre et à guérir pour rien. Ils percutent pas. Normal, ils sortent pas du bon cursus. Mon gars assure à l'arrière pendant qu'ils envoient là-bas tenir des barrières barrées. Mon champ de vision barricadé, équipe soudée. JB sous le porche pour oublier toute cette saloperie. On prie pour laver nos péchés. Sans remords, dehors ça sent soulèvement, mais un qui bouge. J'entends le roulement des tambours dans ma tête. Ouais mec. Bravo. Depuis Pearl Harbor, j'entends le bruit des tambours dans ma tête. Je suis déréglé, la terre tourne mais pas dans le bon sens. Je suis un de ces hindous baignés à l'essence renoie, je repasse en africaine armure. J'ai sûrement un problème d'identité, mais mon peuple plein de vie avec si peu de culpabilité. Regarde l'histoire en face, j'en suis fier. Les oiseaux se cachent pour mourir. J'ai beau essayer, j'arrive pas à chialer. Mon souffle ravageur inutile, je reste seul, songeur, toujours l'air ailleurs. J'ai beau lutter, mais je peux rien y faire. Ma soeur qui s'immisce dans ma vie, mon père qui me rappelle sans préavis, on ne croit pas chanceler que je suis qu'un loser qui ne réussira jamais rien dans le parvis. Ouais, mec. Ouais, bravo, Vincent Black. Vincent Black. Vincent Black. Et Siol. au son. Vas-y, vas-y, vas-y. Bravo. Bravo. On refait une chanson encore. Oh. Encore, encore, encore, encore. Encore. Encore. Vas-y, là, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. 1, 2, 3, c'est parti. Mon imagination s'en bat, mon imagination s'en bat, je suis productif. Mon bis lucratif, originaire des terres pondichirées, natif de France, mon pays. Où j'éballe la pente du PIB. Les traders s'affolent, s'il y a plus rien en banque, c'est la S. Dehors, ça craint, pour ça, c'est, pour ça faut s'armer, c'est mieux. Super. C'est bien, laisse, c'est super la musique là. Allez, 1, 2, 3, 2, 3, c'est parti. J'ai fait quoi? Oh, je sais pas quoi chanter. Lundi au soleil. Le mardi au soleil. Le mercredi au soleil, le jeudi le soleil, le vendredi le soleil, le samedi le soleil et le dimanche. 1, 2, 3. C'est qui va chanter là? La jeune fille, tu vas chanter? Le cahier du racisme. Allez. Bastère, bonjour. Bastère, tu peux mettre le micro à côté de Fofanata là, parce que non, sur le instrument. Allez, vas-y, l'instrument. Bonjour. Metanoia, on est à 7 minutes du direct. On est prêt, mais on va continuer avec le même rythme et on va mettre des voix dedans. Salut Christiana, tu peux t'asseoir, hein, prends place. Bastien, tu veux lire un truc sur ce rythme-là? Et le juge de la conscience du roi du peuple, la vigilance critique de ce qui se fait, n'essaie pas la vigilance critique, l'on retrouve après le célèbre épisode de David, on rencontre la belle Bethsabée, Bathsheba, qui se baigne les toits de Jérusalem, l'histoire de connu Bethsabée, tombe enceinte de cette union avec David, en sorte que le mari soit tué à la guerre pendant son épouse. La faute de David est l'événement plus important du texte biblique, la réprobation du prophète de Nathan, conséquence. Il vient à annoncer l'éthique précise. Il faut qu'il existe la sanction, mais aussi repentir à l'acceptation du repentir éthique. Il était content du guitariste. Tombera cette fois répartition dans la juridiction et le cœur pour le dommage intérêt des pays respectés de ce moment. Cycle des lits, le prophète et une personnalité. Assois là-bas, prends un micro. Femme du pardon, elle a dans la maison nous, après ainsi accouché et nous en habitons ensemble. Que cette femme pendant la nuit qu'elle est couchée sur le lever du milieu, qui a accouché au sein de la matin, et l'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais le premier répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Allô. Non, qui veut prendre la parole hein. Allô. Ouais, là, c'est bon. Après, il dit, mais pour ajouter, apporte-moi une épée, apporte-moi une épée. Deux à l'enfant qui vient de donner la moitié de l'une, la moitié de l'autre. Et alors l'autre femme qui vient et vivant hein, les entrailles, s'émouvoir de son fils et du roi, Seigneur, donnez-lui un enfant qui vient de faire mourir. Mais l'enfant vit que Belle... mourir sa mère, l'usage du monde le roi avait prononcé le roi de qui est la sagesse de Dieu en lui pour diriger son jugement. Voilà. Vas-y, on est en direct. 4 minutes, on est en direct. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0. Allez, on y va. Allez, viens, mon pote, ça va? Comment ça va? Et ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que ça fait l'hôpital du jour aujourd'hui? Bah, ça va bien, on regarde un film. C'est quoi comme film? C'est une femme, un mec, un monsieur, il voulait qu'il. Il a fait tomber enceinte de sa femme. Lui, il voulait l'enfant, mais la femme ne voulait pas d'enfant. Ouais, ça arrive, hein. Et après? Parle du micro. Et après, elle a accepté l'enfant, la femme. Mais au début, elle voulait pas d'enfant. C'était un beau film. Avec ouais. Marina Foïs. La meuf des Robins des Bois, là. Non, c'est pas ça. C'est un film récent. C'est sorti en 2022. C'est pas avec Marina Foïs. Non, c'est pas avec ça. T'es sûr. Allez, un peu de musique, un peu de musique. Ça va être chaud, ça va être chaud. Une musique. Une musique sur YouTube. Et là, vous pouvez... Attends. On est à 2 minutes en direct, mais tu te passes tout de suite, Christiana. Tu vas présenter la radio, tu vas présenter tout le monde. Bonjour, on est Radio Metanoia. Tu présentes tout le monde. Après, chacun prend la parole. Les musiciens, vous jouez quand vous voulez. Hein. Moi, je contrôle le son. Si vous voulez jouer les xylophones, vous mettez les micros à côté, je monte un peu le niveau. Et voilà, et c'est parti pour une heure de trans Metanoia. Il y a Sol aux machines, là. Ça assure. Alors, je présente... C'est toi. Quoi? Tout le monde a le micro, c'est lui qui veut parler là-haut, se met là-haut. Bastien, quand tu veux te lever pour parler là-haut, tu parles là-haut. Je vais faire un peu la batterie. Voilà. Allez, on y va. Allez, prends le micro, tu te parles. Allez, on y va, allez. Allez, le tambour. Allez, on va parler de quoi aujourd'hui? On parle de vacances. Le temps. La Bible et les questions de l'inscription de l'homme dans le temps du rythme de la semaine des fêtes agraires. Puis historique, les liturgies et comment en hébreu la Bible compte le temps. Quel calendrier est mis en place dans la Bible? Qu'on compte les mois de l'année? Calendrier solaire de lunaire? Quelle est astrologie? Quels sont le rite de la naissance? Pourquoi demander à Abraham de se circoncire? Quels sont les rituels de la mort, enterrement? Pourquoi Jacob, Joseph a embaumé la manière de l'Égyptienne? Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé le tombeau de Moïse? De lui, le prophète, elle y est pensée, la résurrection des morts. Qu'est-ce que l'enfer après? Le paradis après? Que dit la Bible de l'homosexualité? Quel est le statut de la femme de la Bible? Ses droits sont-ils protégés? Pourquoi Jésus n'était pas marié? Et que représente la figure du prostitué biblique, le divorce autorisé dans la Bible? Que signifie dans le texte de Jésus de la Bible adultère? Quelle est la fonction du mari? La rite de la vie et l'homme découvre d'abord le féminin, la société ensemble et confronte à une rencontre parfois qui devient conflictuelle et il faut régler. C'est le droit qui se met en place. C'est chaud ça. C'est très bien. C'est très bien, on a écouté la Bible. Vas-y, commence, vas-y. Alors, je vous présente Tessa. Je vous présente. Martin. Siol. Siol. Alain. Alain. Prenez le micro, vous présentez. Alain. Je dois rentrer à la maison, là, j'ai rendez-vous ce soir. Ok. Salut Bastien, merci. Tu peux prendre le livre là? Oui, oui. Tu peux le ramener la prochaine fois? Je vous le ramène la prochaine fois. Mais ne le perds pas, s'il te plaît. Et Bastien? Tu l'oublies pas. Oui, tu prends le livre, tu le ramènes la prochaine fois. On est sur Radio Métanoïaque, il est 5h, ouais. On est en direct sur Pinode, on commence, on présente le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? T'es ça, on raconte quoi aujourd'hui? On sait pas. Qu'est-ce que tu regardes, Tessa? Les trucs sur le roi. Tessa, on regarde un truc sur le roi. C'est qui? C'est la reine des mortes. Ouais. On s'en fout, non? On s'en alors... fout, Tessa. Mais c'est allé. De quoi on parlait? Alors, tu poses la question à tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on parle, Tessa? Et on parle quoi d'aujourd'hui? T'as pas fini le prénom à tout le monde? Ouais, vas-y, présente. Allez, toi, comment tu t'appelles? Khalid. Khalid. Alain. Alain. Fatoumata. Fatoumata. Et Monsieur le magazine, comment vous appelez? Vincent Black. Ouais, Vincent Black. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Vous voulez parler de quoi? Il y en a qui disent que la reine d'Angleterre, c'était une trafiquante d'héroïne. Oh non, mais arrêtez! On parle pas de t'as ça! T'as vu ça où? C'est connu dans le milieu. C'est connu dans le milieu, mais non, c'est une pauvre. Je t'écoute. C'est une théorie, hein, mais moi j'y crois. Mais non, c'est une pauvre dame, arrêtez. Mais d'où c'est une pauvre dame? Elle est à FG, elle est morte. Son homme dort en paix. Elle a bien vécu cette dame quand même, regarde. Et vous saviez que vous saviez qu'à Florence, quoi, Tessa, les 14 familles les plus riches du 13e siècle, elles sont toujours les 14 familles les plus riches du 21e siècle à Florence. Et on n'a pas fait beaucoup d'études dans les autres villes pour voir si ça se passe pareil. Mais moi, je crois que ça se passe pareil dans les autres villes. C'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient les plus riches au 13e siècle, c'est toujours eux qui sont au pouvoir et qui sont les plus riches au 21e siècle. Mais c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils sont riches que c'est pas parce qu'ils sont riches que qu'ils sont malheureux, qu'ils sont heureux, hein. C'est parce qu'ils sont riches que beaucoup de gens sont malheureux, en tout cas. Il y en a qui ont trop d'argent, ils savent pas quoi faire. Ah oui. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi avec leur argent. Mais peut-être cette femme, elle faisait pas n'importe quoi avec son argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un tiers dans les œuvres d'art, un tiers dans l'or et un tiers dans les propriétés immobilières. C'est comme ça que la plupart des grandes familles nobles, ils ont conservé leur patrimoine. Ah bon, vous pensez? C'est ce qu'ils disent. Comme qui? Je sais plus, j'ai vu une interview d'une riche italienne, je sais pas quoi, et elle disait comment vous avez fait pour traverser les siècles avec votre fortune. Et elle disait ça, un tiers dans l'or, un tiers dans les œuvres d'art, un tiers dans l'immobilier. Et vous, est-ce que vous avez une famille noble? Moi, je suis carolingien de descendance, je descends directement de Charlemagne. Vous êtes sûr? C'est vérifié, hein. J'ai fait les tests ADN et tout. On a déterré Charlemagne pour vérifier. D'accord. Et du coup, je suis son arrière. Je te fais pas les arrières, mais je suis son arrière petit-fils. Et c'est qui Charlemagne? Charlemagne, c'était le premier empereur d'Europe. Ah bon, celui qui a inventé l'école. C'est pas vrai, je te dis, je suis pas le descendant de Charlemagne. Alors pourquoi tu mens? Parce que j'aime bien faire des farces. Je suis pas le descendant de Charlemagne. Allez, Tania, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Je m'appelle pas Tania, je m'appelle Christiana. Christiana. Ben moi, on peut parler de tout et de rien, sauf Il fait beau? Oui, du soleil. Sauf on parle pas de sexe et on parle pas de politique. Mais non, pas de politique, c'est important. Politique, c'est important, il faut parler de la politique. Comment ça, on parle pas de sexe? Non, on parle pas de sexe. On a trop parlé de politique et de sexe en la morale. Pourquoi? Non, ça ira. Parlons politique, c'est mieux. Ah, ça ira. Ça ira. Vas-y, Alain, lance-toi. Lance-toi, Alain. Attends, moi je vais chanter une chanson de blues. Une chanson de jazz. Alors, c'est parti. Southern trees bear a strange fruit, blood at the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the sun to rot, for the wind to sap, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Et voilà. Bravo! Il a bien chanté! Attends, je vais vous dire quelque chose. Vas-y! À la clinique de. Pas ici, mais à l'autre clinique, à la clinique de Villévrard de Neuilly-sur-Marne, si vous voulez parler de tout et de rien, il y a une dame autour du sida, au comité sida. Elle peut venir et vous parler de tout ce qui est de la sexualité. Cool. J'ai déjà une psychologue que je soude avec ma sexualité. Delphine, elle s'appelle. Cool. Mais c'est un vaste sujet, la sexualité. On peut parler. Qu'est-ce que tu penses de la sexualité, Vincent? Vas-y, parle. En fait, j'avais lu un livre sur l'hindouisme, en fait. Et dans l'hindouisme, en fait, c'est écrit que tu as le droit, que c'est un besoin du corps, en fait, chez les hindouistes. Mais il y en a qui ont une élévation spirituelle, ils ne sont pas en manque. Ils n'ont pas de vie sexuelle, mais ils ne sont pas en manque, en fait, psychiquement, en fait, parlant. C'est-à-dire qu'ils n'y pensent pas et ils ne sont pas en manque, quoi. Après, je ne sais pas, après... Après, ce qu'on peut dire, c'est que y a des gens qui sont plus performants que d'autres, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent rester une heure, deux heures. Et il y en a... Ah ouais? Et il y en a, ils sont impuissants, là. Est-ce qu'il veut du Viagra? Non, c'est bon maintenant. Est-ce qu'il veut du Viagra? T'as vu, là, t'as mis le sujet. Allez-y, on parle. Ici, à Métanoïa, on peut parler de tout. C'est tout. Voilà. Il y en a, il met du Viagra. Ah oui, mais ça, c'est pour les vieux. Alors, on continue à aller tour de l'étage là. Enfin, Nathan, je pense pas de la sexualité. Ça va ? On passe, parler, chacun peut parler si vous voulez, hein, pas obligé. Hein. Vas-y, Fatou. Fatou, vas-y. Elle ne veut pas dire ça, la pauvre. Allez, Tania. Mais moi, je ne veux pas parler de sexualité. Tania. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai remarqué que les gens qui sont malades, qui sont dans des maladies psychiatriques, les médicaments, ça fait pas. Ça fait, la sexualité, ça leur fait rien. Les hommes, pas les femmes. Quelqu'un d'autre qui prend le micro là? On est plusieurs là. Il y a des micros là. Attends, il y a un micro pour Siol là. Tu peux le partager le micro? Je veux savoir. Ouais. Faut rentrer dans les détails. Pourquoi? C'est ça en fait. Faut rentrer dans les détails. C'est important. Alors, je vais vous expliquer. Moi, je prends un médicament. Ça s'appelle le Perovskite. Vous connaissez pas le Perovskite? C'est un médicament. Tu enlèves les règles, quand pour les femmes ça enlève les règles, c'est des effets secondaires. Ça enlève les règles et pour les garçons ça les rend stériles. Arrête! Du coup, tu parles de mon médicament pour tous les soirs. On peut changer de sujet ou pas? Attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Allez, on change. On va, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. C'est intéressant ce que vous racontez, Christian. Aussi, ce que je peux dire, c'est que. Je peux parler, ouais. Vas-y. Ceux qui ont des bonnes pulsions psychiques, en fait, sexuelles, en fait, ça fait qu'on a, on a une bonne, ça rend mieux psychiquement, en fait, d'avoir une bonne sexualité psychique, en fait. Ouais, c'est vrai ça. Ça rend mieux, ça qu'on va mieux psychiquement quand on a ça, quoi. Je pense, ouais. Et moi, je trouve que les handicapés, ils n'ont pas beaucoup de sexualité parce que ils prennent beaucoup de médicaments. Ils sont les bipolaires, les psychophrènes, comme on les appelle. Et ces gens-là, ils n'ont pas de sexualité parce qu'ils prennent beaucoup de médicaments. Ça enlève la sexualité. C'est bon, je retire c'est la colonne sexualité qui est cristalline. Ça dépend des médocs. Moi, je me suis retrouvé avec des médocs qui me rendaient en puissance. C'est le Risperdal. J'ai arrêté, je me suis retrouvé en HP parce que j'avais plus à bander. Et c'est affreux. Après, on m'a mis un autre médoc et c'est allé mieux. Ça va, ça va, t'inquiète. Lequel? Aldol. Mais Aldol, c'est un médicament de première génération. C'est-à-dire que ça va pas à tout le monde. Il y a des gens, ils supportent vraiment pas. Il y a des gens, ils ont vraiment pas de bol. J'ai connu un mec, il supportait pas l'aldol, donc il était au lithium. Mais le lithium, c'est encore pire que l'aldol, parce que ça va, tu supportes sur le moment, mais en fait, le lithium, tu peux en prendre qu'à certains moments, que pendant une certaine durée, parce que sinon, ça t'explose le corps, en fait. Je sais plus ce que ça te fait, d'accord. Mais tu peux mourir sous lithium. Mais c'est en piqûre, là, l'aldol. Ça dépend, tu peux le prendre en cachet ou en piqûre. Et toi, tu le prends en quoi? En piqûre. Ah oui, bah c'est dur. Tous les 3 mois? Tous les mois. Tous les mois, bah ouais, c'est... Je savais pas que l'aldol, ça... Non, c'est pas vrai. Parlez, vas-y. Vas-y, parle. Dis quelque chose, toi. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a des gens en fait, qui croient que les médicaments, ça rend impuissant. C'est pas vrai. Ça dépend lesquels, ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend, je t'assure que le Risperdal, ça m'a coupé la chic direct. Après l'aldol, je supporte. Ça dépend des médicaments. Il y a beaucoup de gens. C'est connu par les psys qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que justement ça altère leur libido. Bah oui, t'as vu, j'ai raison. Ah, t'as raison, ça. J'ai vu ça dans un film. Il y a un film, ça s'appelle Mental. Ça s'appelle Mental. J'ai vu un film sur la psychiatrie. Le psychophrène, il n'était pas psychophrène, mais il était bipolaire. Et il disait que il avait marre de prendre ses médicaments parce que il n'arrivait pas à bander. Yeah. Et ça l'énervait. Il était homosexuel aussi. C'était... Ok. Bon, on va mettre un morceau là. Pour écouter tout ça et revenir sur le terre, on va mettre un peu de Prince, qui parlait pas mal de sexe dans ces morceaux quand même, hein. Non ? On va voir si ça marche. This man's wife, you gotta be well You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. And no one else around. I'm eating with a blindfold gag about. I don't mind. See, it's ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Hold, stand, please. Sexy motherfucker. Come on, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Tell me about the red light in the house. Scrap the dishes. Lo. Sexy, sexy. Sexy motherfucker. Alors, Vincent Black qui est là. J'ai repris tous les contacts. Vous habitiez où à Fondichet? Rue Montorsier Street. Ah ouais, cool. Ouais. Vous êtes allé à Auroville? Ouais, j'étais tous les jours, j'y allais pour aller à la plage. Fallait, ouais. Et bon, vous... j'ai même pas vu mon psychiatre une fois. Ma mère m'a dit, c'est bon, tu peux juste prendre les médicaments, ça va quoi. D'accord. Et vous avez fait des peintures là-bas? J'ai fait des peintures. Et en fait, vous voyez où est-ce qu'il est? Attendez. Il y a un ami à moi qui a un magasin de photographie. Et à côté, ils ont carrément monté une galerie d'art indienne. Quoi. Ah, et vous avez exposé? J'ai pas exposé parce qu'en fait, le photographe a dit en fait que les peintures ont disparu. Et même chez moi, ma mère m'a dit qu'ils les ont mis à la poubelle. Alors que c'est pas vrai, il y a des gens qui sont rentrés prendre les peintures. Quoi. Et ben, c'est bon signe. C'est bon signe, oui. Ça veut dire que vous avez une cote. Ouais. Un peu comme Raza. Vous connaissez Raza, le peintre indien? Non, je connais pas. J'ai beaucoup pensé à vous parce qu'en fait, je me suis dit que si je suis parti là-bas, j'ai fait des recherches sur le yoga, la spiritualité. Là-bas, c'est pas du tout comme ici, en fait. Là, je suis en train d'aller mieux parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que là-bas, il n'y a pas de terrain de basket, il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de golf, il n'y a rien, quoi. Les gens, ils s'en foutent de la vie de grandiose, quoi. Ils sont dans le yoga, la spiritualité. Vous êtes allé à Chinambaram, un peu plus bas, là, le temple? Vous n'êtes pas allé au temple? Non, en fait, j'ai été dans une église qu'on a construite, ma famille et moi, on a construit une église à une heure de Pondichéry. Et en fait, il y a un archevêque avec cinq prêtres qui sont venus. Je vous ramènerai les photos, je les ai montrées au docteur Serra. Génial. Et il y a toujours un consulat à Pondichéry? Oui, il y a toujours un consulat. Il y a toujours le consulat. Et c'est qui? Il y a un médecin encore? Un médecin pondichérien ou un médecin européen? Je sais pas, j'ai pas vu. Attendez, je le mets maintenant? Me présente un peu ton morphologue. Oui, bon alors c'est moi, Vincent Black, l'artiste de rap. Et donc voilà quoi, j'essaye d'avancer. Et en fait, l'album, ça fait 10 ans qu'il est prêt. Et comme j'ai peur de la célébrité, pour dire ce qui est, bah en fait là maintenant, je peux plus reculer comme je me suis avancé. J'ai pris des engagements, des dispositions. Donc là maintenant, il y a... Alors l'album, en fait, c'est Vincent Black... On finira maquette, c'est maquette. Tu l'as fait quand cet album? Il y a 10 ans. Et là, je l'ai mis sur internet il y a 7 mois. Donc, et il y a 12 chansons. Tu peux dire l'adresse comme ça les gens le rentrent. Vincent Black 2022. Voilà, on y va. Et en fait, docteur, je voulais vous dire que le docteur Serra m'a dit en fait qu'il y a 20% de la population dans le monde qui ont des problèmes psychologiques. Mais pas en Inde. Mon casque que je mets à droite. Protecticien fonctionnaire. Prêt pour stopper les lancers de ces ports en pleine ascension. Percute malgré la mondialisation. Mon organisme sous tension. Prétention progressiste. Les grossistes prennent des ronds. Pendant qu'ils détournent tout, ils tournent en rond. À faire du bien pour du mal. Mon sang fait l'illustration des frustrations qui jachent dans les actions stupides. Comme prêter des dollars à des junkies de la thèse. Non solvable, fait cracher le cash là où y'a rien. Américain soldat qui fait quoi? Jusqu'en Moldavie, ils perdent leurs membres à faire la guerre en guerre et à guérir pour rien. Ils percutent pas, normal, ils sortent pas du bon cursus. Mon gars assure à l'arrière, pendant qu'il les envoie là-bas à tenir des barrières barrées. Mon champ de vision barricadé, équipe soudée. JB sous le porche pour oublier toute cette saloperie. On prie pour laver nos péchés, sans remords. Dehors ça sent soulèvement, mais rien qui bouge. J'entends le roulement des tambours dans ma tête. Ouais mec. Mon parcours chaotique plein de faux de frappe. J'arrive à Valenciennes, rate les évals. Dévale la pente sans sap, ma vie qui vient valable pour être vécue. Toucher les allocs, aujourd'hui je suis bien. La journée comme la nuit, je suis plus, je suis plein en train. Le train, je le prends 7 fois, car j'ai aujourd'hui un train d'avance. Ça marche pour moi, est-ce que je peux le dire haut et fort? Des fois, je vois ma vie défiler. Je marche sans me défiler. Je tombe plus dans le filet, tête haute, je franchis les obstacles, je viens confiner. Dans ce vide propre, l'air de rien, je suis conscient, je reviens loin. Je suis plus au point mort et c'est mortel. Je m'entraîne pas sur mon passé, c'est mieux comme ça. La minorité majoritaire affecte dans tout corps, les gens souffrent. La jeunesse tombe dans un groupe sans issue. Les pouvoirs politiques nous déçoivent. Est-ce leurs idées reçues qui séduisent certains des nôtres? À croire que tu peux pas avancer, tu marches pas avec les autres. À droite, ils séduisent l'électorat, le destin s'écarte étroit. La marche à suivre imperceptible, les démarches illisibles. Depuis la nuit des temps, ils tournent sur tout ce qui bouge. De la place rouge à l'opéra, même combat. Le malassé comme un divisé. Si t'ouvres ta bouche trop fort, il vient de chez toi. Personne n'est immunisé. Comme si le bien t'atteint plus. Je suis pourtant pas un saint. Comme si j'ai envie de défier les lois. Malsain est leur comportement. Faut mieux rien faire que ça. Après ça, comment se défaire cet engrenage? On marche sur une pente ascendante. Puis tout s'écroule comme un château de cartes. On roule pas à la même vitesse. Depuis l'Inde où je vois tous mes laisses. Y'a un dieu encore plus puissant que le plus clairvoyant des hommes. Sans sérum, nous pas entendre de nous préserver des pièges de l'existence. Mais la pauvreté rattrape tout ou tard. La rue aussi, on perd notre innocence. L'Occident serait en train de. En fait, c'est qu'il y avait. Dans le stade. Dans le photographe, en fait, c'était un gars qui avait le bras long. C'est un gars, il a mis à mon père, en fait. Et il faisait des photos, et moi je faisais des photos avec lui, je suis photographe aussi. Et en fait, il a dit qu'il a vendu des photos à moi, mais en fait, il me donne l'argent après. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi je peux pas réussir ma vie parce que je suis addict aux drogues, en fait. Mais pas au shit. Je suis addict aux drogues plus dures, quoi, en fait. Non, je suis addict, je préfère rester. En fait, quand vous êtes addict au clou de girofle? Je sais faire la cuisine aussi. Hein. Et en fait, comme je l'ai dit, en fait, personne ne me donne d'argent. Addict à quoi? Je peux pas en parler, c'est personnel. Non, j'irai pas. En fait, vous n'êtes pas sous méthadone, vous n'êtes pas sous butin. En fait, je suis addict, hein, c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à voir ça, en fait, quoi. Et là, c'est en train de partir, en fait. Et en fait. Bah nous, on est addict à la musique. Et en fait, mon père, ma mère, tout ça, en fait, comme je suis venu des affaires, en fait, mon père et ma mère, ils me donnent de l'argent depuis 96, en fait, déjà. Et après, je suis malade et j'ai eu une addiction. Moi, j'arrive à voir ça, quoi. Et en fait, les spécialistes, ils arrivent à voir ça. Et là, c'est en train de partir, quoi. Et donc, je suis associé avec un gars dans l'événementiel. Et en fait, il va me donner de l'argent là, en fait. Parce que là, ça va partir. Et en fait, ce gars, c'est que quand les riches entre eux, j'écoutais pas mal de riches, ils sont là, ils arrivent à voir ça, en fait, quoi. Ils se renseignent, ils disent, ah, non, on lui donne pas, quoi. Et voilà, quoi. Mais pourquoi vous restez pas à Pondichéry plus longtemps? Parce que là, c'est sympa de faire moitié-moitié tout l'hiver à Pondichéry, et puis après vous revenez au printemps, au mois d'avril vous revenez pour le poisson d'avril, et puis vous repartez au mois de novembre. On a une belle maison là-bas, mais. Bah oui, vous faites moite-moite comme les hippies faisaient à l'époque, hein. Ils continuent d'ailleurs, il y a plein de gens qui passent l'hiver en Inde. Et vous avez besoin d'un visa ou pas, vous? Non, j'ai le visa à vie, moi. Moi j'ai le visa à vie. Et bah alors, vous embêtez pas. Regardez, docteur, c'était il y a 7 ans. J'ai rajeuni, vous êtes on est d'accord ou pas? Ah bah quand on va en Inde, ça rajeunit, hein. Non, c'est ça, c'est il y a oui, 7 là, ans. Ça fait là où Vincent Black, il a trouvé le secret de rajeunir. Non, c'est vrai, là vous avez un look ambiance 45, là vous faites 25 là. Ouais, vous avez quel âge? J'ai 45. Et ben ça se voit. Bon, moins 5, ça fait 39. Là en fait, il se passe en fait que... Et à moi aussi, ça dérange pas? Attends, pas pour les riches indiens de Pondichéry. Non, je suis pas riche, hein. Je rigole. J'ai que la côte d'Europe et en fait on peut pas gruger la côte d'Europe. J'ai que la côte d'Europe. Mais avec la côte d'Europe en Inde, c'est cool. Moi, je connais des gens qui vivent dans un village, ils font tourner tout le village avec la hache suisse, par exemple. Avec la hache suisse, je crois que c'est 1500 par mois. Un autre micro là-bas. C'est bien, hein? Bah oui, vous avez la hache, il y a plein de gens qui, par exemple, ont la hache, ils vont travailler. Ils sont à La Réunion, ils vont à Madagascar, Et comme ça, ils ont une vie un peu plus sympa et ils passent ah bon la moitié du temps. Bah oui. Ouais, chez Roulet. Il y a comme les retraités. En fait, j'ai compris des trucs parce qu'en fait, c'est la rue. Vous connaissez la rue Montorsier? Vous connaissez la... Bah, c'est à côté de la rue de la Porte. Je connais Denis Chéri. Mais... En fait, la rue de la Porte, il y a un ami à moi qui m'a dit en fait que c'est les rues des millionnaires en fait quoi. Et en fait. Attendez. Vous êtes allé voir Sri Aurobindo là le temple, oui ça vous énerve. Et vous êtes allé manger à Auroville? Auroville c'est non, on l'a pas été. Auroville c'est Europa. Le restaurant c'est Europa. C'est quoi ça? C'est un restaurant à Auroville. Très bon, puis c'est pas cher, ça doit être genre. Auroville c'est à côté où il y a l'avion là. Auroville c'est une cité idéale qui a été créée dans les années 60. Ah moi, à côté de Pondichéry. Alors, vous parlez de l'Inde. Oui, on parle de l'Inde, parce qu'à Pondichéry, il y avait une Française qui s'est installée avec un philosophe qui s'appelait Sri Aurobindo. Voilà. Ils ont fondé un ashram. Ils l'ont pris pour un dieu, en fait. Voilà, et donc, du coup, ils ont fondé une espèce de cité dans les années 60, en forme de cerveau. Il y avait la Green Belt, et puis les maisons sont construites. Sauf que vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous êtes propriétaire... Si vous habitez, vous pouvez habiter, mais si vous partez, ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas léguer par héritage. Donc, il faut habiter dans la maison, mais sinon, vous partez, vous la laissez. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on se sent un peu prisonnier, des fois, quand on est là-bas. Alors, il y a plein de communautés, ça peut être un peu ouvert, donc on peut aller en location. Mais moi-même, j'avais vu des patients, je voulais être psychiatre là-bas, puis après, j'ai vu comment les patients psy, en fait, dès qu'il y a un problème psy, ils le prennent, ils l'amènent à 50 km. Je me suis dit, c'est pas très sympa et très cool. Ils sont tous thérapeutes, mais enfin, dès qu'il y a un patient psychotique ou quelqu'un qui pète un câble, ils vont dire, il a pris de la drogue et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, j'étais un peu découragé de voir. Ils sont tous thérapeutes, mais en même temps, dès qu'il y a un patient psychotique, comme là, ici, il y a quand même pas mal de patients psychotiques, à Auroville, ils s'en débarrassent. Et une société qui se débarrasse des patients qui présentent des troubles psychiatriques, c'est pas si bon que ça. C'est une secte. Moi, je suis catholique. Dans ma famille, on est catholique. Et en fait, ma grand-mère voulait pas que ma mère aille se promener dans un truc parce que c'est une secte. Et c'est le gars qui a ma maison, elle a été construite sur plan, en fait. Et le gars qui a fait la maison à Pondichéry, en fait, c'est un mec qui travaillait pour qui faisait partie de la secte. Okay. Et en fait, tout l'argent de la maison, en fait, il devait donner à la secte, en fait, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des captations un peu d'héritage, etc. Mais enfin bon, c'est intéressant d'aller faire un tour. C'est pas parce que vous allez voir le Matra Mandir, c'est une espèce de grosse boule de cristal dans lequel vous pouvez aller méditer. Vous pouvez aller là-bas. Moi, je suis allé là-bas. Je fais pas partie de la secte. Quelque chose qui a été créé dans les années 60 avec des gens de toutes les planètes venaient donner un morceau de la Terre. Sauf que les gens qui ont vécu là, leurs enfants, par exemple, ils n'ont pas d'héritage, ils ont vécu toujours là. Bon, alors souvent, il y a des gens riches qui donnent à Auroville et du coup, ça construit. Dans ce sens-là, ça fait un peu secte avec un peu des captations, mais c'est des dons. J'ai écouté un podcast sur une secte, mais c'était une secte particulière. C'était un podcast sur une secte, c'était un monsieur, il était indien, mais lui, sa secte, ça parlait de toute relation un peu intime. C'était une secte, mais ce monsieur a vécu, il a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Vous savez pas cette secte-là? La secte, il y a beaucoup de sectes en Inde. Tout ce qu'on appelle secte, c'est un regroupement autour d'une idée ou d'une religion. Il suffit qu'il y ait une personne qui ait une élévation spirituelle et qu'on vienne vous voir avec... qu'on fasse des choses un peu miraculeuses, un peu. Ça y est, ils montent la secte, hein, c'est des blancs et tout, c'est un business. Hein. Ou même, il y a des gens qui sont à la chaîne. Moi, ça m'a fait beaucoup bien, j'ai jamais vu à quel point ça m'a fait du bien. Là. Ça y est, maintenant, tout ce qui est idéal de soi, tout, c'est la schizophrénie, quoi. Là, c'est en train de partir, et là, maintenant, j'ai réduit ma consommation de cigarettes. Des fois, je fume 2, des fois, je fume 3, des fois, je fume 5. Et là, j'ai réduit. C'est la pire des addictions, le tabac. Enfin, j'ai une clope à la main, mais si j'en fume une de temps en temps. Mais voilà, les gens qui arrêtent l'héroïne, des fois, ils n'arrivent pas à arrêter le tabac. Quoi. Voilà, monsieur Jaffari, notre peintre. Le plus grand peintre là du G14, monsieur Jaffari. Super, salut Jaffari, bienvenue à la radio Métanoïa. Gloire à votre art. Ouais, et là on va passer à. Monsieur Jaffari, il ne veut plus vendre de toiles parce qu'il les garde pour faire une expo. Ouais, il a raison, sinon vous l'achetez à rien du tout le prix. Sinon, avant la retraite, Christana, vous achetez tout on va faire un grand expo à la fin. On va aller... Ah bah super. Amenez. Ils en ont... Tenez par les aussi. Ah, Jaffari, c'est autre chose. Jaffari, c'est lui qui fait ça, là. Ouais. J'ai des tableaux pour le docteur. Ah bah cool, putain. Oui, pour la radio, tu allais nous amener un tableau. Non, je vais vous ramener un tableau aussi. Ouais, ça serait cool. On vend, voilà. Comme Christiana aussi, elle vend ses... Ouais. C'est vachement bien elle ce qu'elle fait. Elle a vendu à 20 euros. Hein. Oui, mais ils sont super beaux. Vos dessins aussi sont super beaux, excusez-moi. De... Moi, j'en ai un aussi à la maison. Moi, je dirais lui, là. C'est une... Regardez, c'est construit et moi, tout. Je pensais que c'était un grand artiste. Non, c'est lui. Bah, c'est lui, le grand artiste. Voilà. Et après, ouais. Christiana, c'est pas mal aussi. Ces petits personnages, Princesse Cerise, je sais pas, ouais. C'est vachement bien. C'est trop beau, c'est trop beau. Et vous, ce que vous faites, c'est bien aussi. Mais après, c'est déjà bien d'arriver à vendre un petit peu, parce que même des artistes qui sont bons, qui seront reconnus, comme Raza, il vendait pas, il a vendu à la fin de sa vie. Maintenant, c'est 350 000 euros. Et là on va y aller. Je voulais juste dire qu'il y avait une expo de Raza à Beaubourg qu'il faut absolument que vous alliez voir. Je vais aller. C'est génial. Mais il faut absolument. Là, je suis en train de sortir de l'idéal de moi là. Et ma psychologue m'a dit en fait que quand on veut pas des grandes choses, c'est là qu'on arrive à aller beaucoup mieux quoi. C'est vrai ou pas, docteur ? Bah, quand on veut pas des grandes choses, le tout c'est de toujours continuer vers ces grandes choses, mais de pas se précipiter. Elles arrivent un peu toutes seules. Regardez Raza, il a continué. La galerie en bas de chez lui, il n'a jamais voulu l'exposer. Là maintenant, il fait à Beaubourg. Et c'est la moindre des toiles. Pourtant, c'était un copain. Hein. J'aurais pu acheter des toiles comme ça. Ah, ça va être 350 000 euros maintenant, une toile. Vous connaissez, hein. Oui, Raza, c'était un vieux monsieur. Il venait à toutes mes expos. À l'époque, je faisais pas des Sophie la girafe. Encore. Bon. Excusez-moi, docteur. Oui, mais c'est pas très cher. Il avait celui-là. Ah non, c'est pas moi. Non. Ah, d'accord. J'aimerais bien. Hein. Ça doit être Pedro. Je sais pas ce qu'il dit en fait. Serra. Oui. Demandez au docteur Serra, peut-être. Mais là, lui. Là. Mais vous voulez l'affiche ? Vous l'avez pas l'affiche ? Si. Elle est sur Internet aussi. Non, mais vous pouvez l'avoir en vrai, l'affiche. Oui, parce que c'est l'affiche qu'on a fait là. C'est lui colloque qui entre l'Université de Paris et l'hôpital. Des... Oui, j'aimerais bien la voir, ouais. Ah, bah oui, on va vous la donner. On a parlé on peut lui de vous, tout ça. Suite. On va leur dire. De... Oui, mais l'original, c'est pas moi qui l'ai, je pense. Oui, mais on va lui donner l'affiche tout de suite. Non, mais oui. laissez celle-là. Je la prendrai là, la prochaine fois. D'accord. Quand je viendrai ici. Oui, mais si tu veux, je peux vous ramener une affiche pour vous. C'est bien l'affiche aussi. Oui, comme ça, il n'y aura pas de scotch. Ouais, attends, mais voilà. Là il y a Alain qui va nous chanter là. Alain Dask the Painter sur SoundCloud, il va nous mettre un morceau qui s'appelle Un son joli et il va à un pro freestyle sur le son. Je vais juste vous laisser écouter ce dernier petit freestyle. Vas-y, est-ce que tu peux le présenter un peu? C'est un petit freestyle en fait. Cette fois, j'ai essayé de prendre une voix plus agréable que dans mes autres freestyles, qui est. Enfin, bref, avec ma voix de boiteau là. Et donc, j'ai essayé de faire un son joli. Je sais pas si j'ai réussi tout à fait, mais l'instru, moi, je la trouve jolie. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est un producteur russe. Qui samplait beaucoup de classiques. J'ai freestylé sur pas mal de ses instrus et là il a samplé une chanson des années 60 qui s'appelle Mr. Lonely de Bobby Vinton, je crois, que Akon a repris aussi dans sa chanson I'm so lonely, Mr. Lonely. Et voilà, c'est le même son, mais c'est pas la même instru. Et je chante moins bien qu'Akon, faut le reconnaître malheureusement. Vas-y, je t'en prie, mais il reste plus de café. Ça marche, merci. Un son joli, une ode à la poésie, vite rattrapé par les soucis. À l'exercice, je me plie, trop de sons que l'auditeur subit. Ma prod subtile et le son perceront, si ce n'est dans les hits, du moins dans ton âme. Écoute ma proposition, je te passe le salam, le shalom et le salut. Je me passe des sales âmes, des salopes et des sales, et encore plus de la religion. Tranquille, je viens livrer ma bine. Contre les tout foires, l'assommoir. Et ce soir, j'essaie pas d'être débile. Quand je raconte leur histoire, pleine de chaos et de foutoir, je te le donne en mille. Tu cherches le chaos, t'es fou toi. Les vaquets sans bois, souvent ça foire. Les mecs paro, c'est plus rare. Une erreur t'envoie manger la gamelle et les terreurs deviennent dollars. Alors au pire, fume ta lamelle, les chiteux regardent passer les mamzelles. J'suis trop heureux, j'fais pas de zèle, j'hume l'air parfumé de gasoil. J'te mets au parfum, j'peins pas de toile, afin d'épater les gazelles. Et mon rap les fait tricher des deux fuseaux. J'suis pas de ces mecs brutaux, mais la folie et la vie m'écartent du flot. Et si j'suis pas plus sage, jamais j'rejoindrai le rivage. J'voudrais changer de livre, j'tourne la page. Chevalier sans écuyer ni page. Voilier étudié par les docteurs aéropages. Je me moque que tu sois un crack. que t'es la science ad-hoc. Je pense que les arnaques de doc seraient des petites flaques dans nos blocs. The Lord's lair is your star. When you break free, authority will start. Mediocrity's the rises. Just a few have their fill of their fall to the races, and all the prizes are given to the aces. Shaking the ashes, burnt faces in calamity races. Ça c'est Dask sur Metanoia. Et là, on va parler un petit peu. On commence, Attends, donc, tu voulais parler de quoi ? Les effets secondaires des médicaments. Les effets secondaires des médicaments. On va parler un peu des effets secondaires des médicaments. Et après, on va revenir sur Siol qui voulait nous montrer son oui. projet. Oui. Et qui s'appelle. On peut regarder les projets d'abord, non ? Attends. Non, c'est pas grave. C'était 808 Proxy Singed 420. Ouais, on va mettre ça, mais avant. Attends, attention avec le micro, il faut jamais le mettre là. Ça. Larsen. Et Christina, tu voulais parler de. Voilà, vas-y, parle, on fait. Je vais parler des effets secondaires des médicaments. Il y a certains médicaments psy, tu peux donner des effets secondaires. Moi, je connaissais une personne, elle avait des effets secondaires, c'est que. Quand elle prenait ces genres de médicaments, elle n'arrivait pas à aller aux toilettes. Mais ça, c'était des effets secondaires. Il y a aussi d'avoir la tête, tu tournes. Aussi, dormir beaucoup. Là, c'est ce que fait les effets secondaires des médicaments. Je ne dis pas les noms de médicaments parce que après, tout le monde connaît ces noms de médicaments. Forcément, là, les gens ne connaissent pas forcément le nom de médicament. Tu penses à quoi comme médicament ? Mais du Xanax. Xanax. Quel autre ? Du Tercian. Encore ? Il y a quoi comme d'autres médicaments ? Le médicament qu'il a dit, le garçon tout à l'heure, là, comment il s'appelait? Aldol. En piqûre. De l'Aldol. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand il prenait de l'Aldol, et après, ça le fatiguait très. Il prenait sa piqûre d'Aldol, et il était très fatigué de prendre. La piqûre, ça le fatiguait très. C'est-à-dire que quand il prenait sa piqûre, quand il revenait à l'hôpital de jour, il se mettait à dormir pendant longtemps, longtemps, longtemps. Voilà les effets secondaires des médicaments. Caroline, vous voulez dire quelque chose sur le médicament ? Sur les effets des médicaments ou... Non, je voulais dire que il faut absolument que tout le monde sache que pour les 60 ans, c'est la loi Carrez qu'il faut voir. La loi Carrez. Ah, c'est quoi la loi Carrez? Pour les 60 ans, pour les impôts. C'est quoi la loi Carrez, pourrait nous dire? La loi Carrez, je sais que c'est la loi Carrez, mais oui. Je ne me rappelle plus de... De quoi il s'agit? Je sais que c'est pour la retraite. C'est parce que le fait de gagner moins, du coup, le gouvernement a décidé qui n'est pas d'impôt. Oui, oui, mettre voilà. Tout sur les armements. Mais quoi. Moi, je conseille à ceux qui achètent des appartements ou des maisons de ne pas en acheter d'appartements. Parce que les appartements, vous avez des conseils syndicaux qui vous font payer des heures syndicales, des conseils syndicaux très chers. Par contre, si vous allez vous acheter un pavillon F1 et un pavillon F10, F7 ou F7 ou F8, vous payez la taxe d'habitation, taxe foncière F1, dont le moins cher. Et l'autre c'est une résidence secondaire. Et voilà. C'est quoi un scientifique? Attends, quel micro c'est le 5? 5, allez-y, pardon. C'est quoi un scientifique? C'est une science spécifique. Science spécifique, le scientifique, ouais, ça fait dire. Merci Caroline, tu as toujours à nous donner des conseils précis pour gagner de l'argent, pour récupérer notre retraite, pour plein de choses. Merci. Toi, tu es dans le pire, la réalité. Et là, on va passer à Siol qui va nous présenter sa musique. Vas-y Siol, prends le micro, tu te présentes, toi, vas-y. C'est une musique, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle s'appelle 808 Proxy Singed 420. Et... le nom de l'artiste, c'est Demain il neige. Et pourquoi Demain il neige? Je sais pas, mais Demain il neige. Et du coup, c'est de l'acide core. Et je l'ai faite sous LSD. Et voilà. Voilà. Elle n'a pas de sens. Demain il neige. Le morceau s'appelle 808 Proxy Singe D420, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, 808 Proxy Singe? 808, c'est les bases que j'ai utilisées. Prosti Singed, c'est un personnage que j'aime bien. Et 420, c'est pour la défense. Ok, mais là il y a un autre truc là. C'est pas ça, ce que je voulais montrer. Pourquoi il y a ça? Il y a Dask encore. Non, ça c'est Dask qu'on l'a déjà montré. Et Stream, Demain il neige, par Siol, 808 Proxy Singe D420. Thank you. Super, excellent. Alors, qu'est-ce que vous pensez, tout le monde, à la réaction rapide? Attends, c'est de la K-pop. Non, c'est quoi comme style? Attends, prends le micro, tu nous expliques. C'est de l'acide core. Acide core, voilà. Acide core, je connais pas ce genre de musique. C'est normal. Non, c'est une dérivation de l'acide musique. Tu connais un peu l'acide musique? Mais parce qu'il y a le breakcore aussi. Oui. Tu connais le breakcore, c'est un peu la dérivée de la drum and bass. Et ça se danse comment, ce genre de musique? Vas-y, danse. Toum, toum, toum, toum, toum, toum, toum. Metanoia, bravo. Oui. Voilà, voilà. Donc tu voulais parler de quoi, Christiane, encore un autre sujet que tu voulais aborder aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux parler? Tu peux nous poser des questions aussi. Salut, alors, Patrick, je pose des questions à tout le monde. Ok, vas-y. Une question à madame, je ne vous connais salut, pas. Vous êtes chinoise? Non, pas chinoise. Vous êtes quoi? Métisse. Métisse quoi? Franco-vietnamienne, corse-sicilienne. Ah ouais! Vous faisiez quoi comme métier avant? Secrétariat. Secrétariat, bon, c'est bien. C'est un bon travail. Et vous? Je voulais dire une chose aussi. Au propos de la maison, c'est au cas où le gouvernement change, au moins on paiera uniquement le F1. On paiera pas le deuxième. J'ai pas compris. Attends, si le gouvernement change, on fait quoi? Si quand on prend un F1 et un F6 ou un F10 ou un F11, parce que c'est les titres de multipropriété, eh bien on ne paye pas de... On ne paye pas... On ne paye pas quoi? Comment vous dire ça? Les taxes? Les impôts? Non, le F1, si on a le F1 et puis qu'on a F6, F10, F11, F12, s'il n'y a pas de problème... On paye le F1. Ok. Les autres, c'est les résidences secondaires. D'accord. Ah, et oui, on oui, peut même mettre ça. Aussi des propriétés en jachère, c'est-à-dire des propriétés qu'on n'utilise pas pour l'instant, mais qu'on même pas de l'eau, rien, mais qu'on garde de côté pour les enfants. Ah oui, d'accord. Et il ne faut pas oublier de payer aussi les groupes politiques. Les groupes politiques? Ah oui, automatiquement, parce que sinon, ce n'est pas à votre enfant. Ok, c'est les politiques alors qui coupent un peu de l'argent, hein, j'ai bien compris. C'est aux environs de 15 euros à 20, à 200, à 300, ça dépend. Et ça c'est vous avez vu ça où, à la télé? Non, je l'ai su sur le tard. Sur le tard? Oui. Vous avez des enfants, vous? Non, j'ai pas d'enfants. Oh, dommage. Et puis, il y a aussi autre chose aussi. Oui. L'assurance au niveau des copropriétés est de plus en plus chère. Et puis, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui. Bah, c'est pour ça que vous nous faites gagner de l'argent avec tous les numéros que vous nous apportez pour jouer au loto, tout ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir de tout. Oui, mais ça, c'est naturel. Ah, c'est naturel, vous êtes médium? Je ne suis pas médium. Je ne me vante pas du tout. Je ne suis pas un médium du tout. Je ne suis rien. D'accord. Je suis un humain. Mais vous avez un don quand même de percevoir quels numéros vont être joués. Par exemple, là, à ce moment-là, à ce niveau-là, là, oui. C'est le 15. Le 15, 14, note s'il te plaît. Le 38. Le 15, les quoi d'autre? Le 15, le 14, le 38. 15, 14, 38. Allez, les métanoïaques, jouez 15, 14, 38 aux chevaux mécaniques, c'est ça? Les chevaux mécaniques, le numéro que j'ai donné. Attendez, écoutez tout le monde, le métanoïaque sur Pinot, 15, 14, 38 sur les chevaux mécaniques. Allez jouer tout de suite, sinon ça va être trop tard. Christina, attends, Vincent, tu voulais juste dire un truc? Prends le micro, là. Prends le micro, Vincent. Mais tu as un autre aussi, là-bas, sinon. Hein. Merci, Caroline. Hein. Merci beaucoup pour tes conseils. C'est très, très, très... On connaît moins de finances que toi, mais je pense que je comprends un peu. Peut-être Régis, qui est le propriétaire, il connaît mieux les trucs. Attends, il y a un truc qui... Vincent, tu peux prendre un autre micro qui est là-bas. J'ai une idée. Vas-y. Je ne sais pas, mais ça m'est arrivé depuis tout à l'heure. Là, je me suis expliqué. Il y a certains chambres dans les cliniques, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite qui peuvent accueillir, et j'espère que bientôt, pour pouvoir avoir de l'argent pour ces institutions, des gens qui viennent pour dormir une nuit, pour manger une soirée, une nuit, et qui repartent. Ah oui, et c'est comme ça on nous donne de l'argent. Ah oui, cool, merci beaucoup, oh, super. Fanata, tu veux nous faire un solo de xylophone? Attendez. Merci. Bonjour. Ouais. Alors, super. Et tu voulais dire quelque chose, Vincent? Patrick, tu veux dire un truc? Non, c'est bon. Bon, alors, Siol va nous mettre un peu de musique, là. Et vous avez open mic. Pour la dernière 8 minutes métanoïaque. Donc, Siol, qui nous a préparé, qui vient de créer un truc sur le corps 20, va nous mettre un peu de rythme pour que, voilà, pour que ça aille mieux, là. On a eu... J'improvise là. Ouais, ok. L'Occident serait en train de céder, avoir le tiers-monde dans cet état. La monnaie dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coup de couteau à l'arrière par un soldat. À bout de bras, je tiens le mur de cette cité. Sans flouze, comment comprendre ça quand t'as toujours tout eu? Les incompréhensions culturelles nous ont eu. Il y en a qui ont tout et il y en a qui ont rien. Il y en a qui perdent tout pour rien. La chute est plus grande encore. Les riches roulent en 4x4, putain, cachés de vie hardcore. Comme pisser sur caniveau. Pour faire rester sans cash et pouvoir vivre sans ski des glaces. Les glaciers fondent comme le cœur des femmes pour moi. Et short cette protection judiciaire. Putain, ce putain de mal était nécessaire. Ça m'apprendra à écouter les traites et à vouloir couiller une banque. Avoir des chiffres sur un bouclier pas. À mendier comme un enfant expliqué qu'on ne peut pas mes attentes et qu'il s'étonne qu'on lui parle mal. Je fais attention dorénavant, j'économise pour un projet. Pour 10 personnes, j'ai cette putain de joie de vivre. Ils sont sur mon regard. Je suis un séducteur et je déchire d'être un superflu locuteur. Mon passé de faux. Je fais mon hippie propre, stop sans guimauve. Le champagne coule à flot. Je fais péter les tom-toms à Méro. Sans oublier les traites, bien sûr. Gardez bien la pêche, bien sûr, et le sourire. L'argent change trop vite demain et je sais de quoi sera fait mon lendemain. 3. À mon tour, il faut que j'y chante. Alors je vais chanter. Another text in English, another taste of the fishy touch, another waste of this delightful speech, no other than me can give you their itch. Smoother than others, I do not write to irritate, I do it to get in the mood of a blissful fate, for which you can guess, it's a full rate of dope, boom, music after there, man, it's a shame to be lame, all the more, not all the same. Spirits so fierce, more fast, they bought the glasses, trick kicked in the face of whoever's listening, whenever I need the spit I spat, and I still spit this glistening fire. Rather lower than higher, as the beat sinks in every vessel, every sweet swollen cell. Music I do not sell, I hear time will come, you bet. I share a room with my bed, I don't even own the shit. I got some bread that I'm willing to let you get if you come share with me in my bed. I could have said not, but I'm true, that's a fact, and that's that. I love since it was, but that's not why I bring me something once. I used to squat and need practice kung fu, but I went mad and French is called fou. Since I'm the king, I'm the king. Fou. C'est bon? Busy, busy mind, shady, shiny. Tu parles anglais? Let it blow, long anglais, mind, anglais, make you bow. Tu parles anglais? Attends, je veux dire quelque chose. Il faut plus de foyers pour les handicapés. Super Alain, super Alain, super Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, Alain, des appartements thérapeutiques. J'ai donné à Dr Serra mettre des appartements thérapeutiques pour les femmes. Femmes-femmes, hommes-hommes. Ou aussi des appartements pour des gens qui sont problèmes psychiatriques en couple. Qui sont en couple, on les met dans le même appartement, mais ils sont en couple. Des appartements pour eux. Voilà, c'est tout. Et d'accord, et pour les trans aussi, à tous les, pour les pansexuels, pour tous les différents types de sexualité qui existent, non? Bah oui. Ouais, mais les trans femmes, faut pas les mettre avec les femmes. Ils ont essayé dans les prisons aux États-Unis, ça s'est extrêmement mal passé. Ah oui, ok. Bon, on va faire on a encore 3 minutes métanoïaque, donc on va mettre, Sol va nous mettre un autre morceau, un autre rythme qu'il vient de créer. Donc là, Vincent Fofanata, Tessa, Régis, Christiana, Alain, vous pouvez prendre le micro et vous exprimer sans peur. On est métanoïaque sur Pinot. Ça se coupe un peu ton micro, attends. Mix ses dents. Ça remarche. T-E-S-K, tu es un K, mais aussi un dieu qui te hue, qui te tue en deux, comme s'il y avait le feu. Je me pose sur aucun bit, la bite entre les bœufs, je mets un spliff de bœuf entre les lèvres, et si tu l'ouvres, gars, vaut mieux que tu fasses gaffe, gars, car j'ai beau être câble, j'ai peut-être pas d'arbre, il se pourrait bien que tu te prennes une gentille bave, gars. Mon premier freestyle new-yorkais, attention. En vrai. Et ça continue sur la longueur, donc à tout à l'heure, je suis parti. Freestyle, c'est un bonheur, mathématique splendeur. De freestyler, le micro coupe, ça fait oups, on s'en bat les youks. On est tranquille et on kill personne, on sonne personne, étoile Condé, casse-toi, j'ai un stick sur moi, qu'est-ce que tu vas refaire? Me mettre en garde à vue, mais où t'as vu que je vais balancer mon poteau? Au comico, espèce de crétin, va. Et j'arrive comme ça, je suis en chien, ou pas, je suis Kiltron, mais c'est parti, c'est un style free, excusez les incohérences. Dans cette France, l'huile du grec est souvent rance, et les frites sont pas souvent faites maison. Ouais, moi je m'en fous, si je vais en zonzon, je trouverai un pote cuisinier, ouais. Comme ça, je serais pas trop dans la crignave, c'est pas pérave. Ouais, je suis pas un brave et je suis pas de la brave M. J'encule ces enculés de matraqueurs. Je suis comme Mélenchon. Faudrait pas confondre les mélanges, les serviettes. donc la Bravem, tous en psychiatrie, d'accord avec Mélenchon, c'est reparti. Mon kiki pour un petit style free, tu l'as sorti, c'est Despé, un vrai MC, ça tire sur la longueur, une mathématique splendeur, celle d'un rimeur, toujours à tout à l'heure, ouais, c'est un vrai bonheur. C'est bolo sur le tempo, il fume trop bédo avec la croix de chaveau, avec les narvalos. Ouais, tranquille, il est parti dans sa teuté en yoku plus d'une fois, mais t'inquiète, il prend ses médocs, il écoute son doc, il a la science ad hoc et il dit merci beaucoup. Ouais, c'est comme ça. C'est bolo sur le tempo, le psychopathe qui t'attrape à quatre pattes, fais-moi de pattes ou carapate, toi ou carpate. Ouais, Alain, merci beaucoup tout le monde, Métanoïac. Il est 18h, Radio Métanoïa sur Pinode, à mercredi prochain. Métanoïa.